pas commencer avec un... quelque chose qui va être, à mon avis, assez raide. On parlait de l'ajusteur de pensée. L'ajusteur de pensée existe-t-il vraiment? Ou est-ce qu'on pourrait considérer ça, comme un mécanisme temporaire ou de cheminement? Bon, ouais, effectivement, pour commencer, amusant. Premièrement, s'il y a des oreilles qui m'entendent, je risque d'avoir soif. Tant qu'à grimper, ça déshydrate, l'eau pas le temps de suivre. Hein? Bon, l'ajusteur de pensée, est-ce que c'est une illusion? Est-ce que c'est une forme? Est-ce que c'est une création d'une spiritualité nouvelle? Est-ce que c'est une mécanique qui est réelle? Est-ce que c'est une mécanique personnalisée? Est-ce que c'est un phénomène qui naît de l'énergie supramentale ou si c'est un phénomène qui naît de l'énergie mentale de l'homme? Est-ce que l'ajusteur de pensée est automatiquement présent lorsqu'un être humain vient au monde? Est-ce que l'ajusteur de pensée peut être éliminé, ôté, accolé à quelqu'un d'autre? Est-ce que l'ajusteur de pensée vous parle? Et de quelle façon on perçoit son contact? Intéressant comme question, étant donné que la mécanicité du PMC est justement de faire en sorte que l'être humain arrive, premièrement, à être son seul maître, c'est-à-dire à faire en sorte que le corps mental prenne contrôle du corps endocrinien, donc du corps physique et du corps vital. Et pour que cela puisse se faire, la pensée doit être ajustée, une pensée ajustée étant l'apanage même d'une pensée mentale. Et donc, lorsque le mental est ajusté, le PMC peut s'accomplir. PMC 6, PMC contact avec l'ajusteur de pensée. Alors évidemment, si l'ajusteur de pensée est une illusion, qu'est-ce qui reste du PMC? Toute chose est une illusion, toute chose est une forme. Maintenant, tout cela dépend du point de vue. Et lorsque je parle du point de vue, moi, je ne parle pas de l'opinion d'une personne. Je parle de l'endroit où elle est située cosmiquement pour pouvoir observer une chose. Ça, c'est un point de vue. Ça, c'est un très bon point de vue. Lorsqu'une île apparaît dans l'océan Pacifique, différents journalistes se déplacent pour pouvoir prendre connaissance de l'île, de façon à prendre des photos, à écrire un texte et à publier cette connaissance de l'île dans leurs différents journaux. Alors, dans un journal, on aura une île aride, sec, a surgi de l'océan. Dans un autre journal, on aura une île avec des plantes, des fleurs merveilleuses, a surgi de l'océan. Dans un autre, on dira une montagne. Si on a 20 journaux, on aura 20 îles différentes. Parce que chaque journaliste aura abordé l'île dans un endroit différent. Chacun aura vu l'île à partir de sa mémoire, à partir de ce qu'il recherche. Donc, chacun aura un point de vue différent de la même île. Si je regarde le corps physique de l'homme d'une façon cosmique, je vais dire que le corps physique est une forme et une illusion. C'est une attrape nigaud. Et à l'intérieur du corps physique, il y a beaucoup de nigauds qui ont été attrapés. Maintenant, si je regarde le corps du point de vue de l'homme, le corps physique n'est pas une farce, n'est pas une illusion. Le corps physique souffre, le corps physique peut être malade, le corps physique a besoin de manger, il a besoin de repos. Alors, est-ce que c'est une illusion ou non, ce maudit corps physique? Tout dépend du point de vue de l'observateur. Si on regarde l'ajusteur de pensée, du point de vue cosmique, l'ajusteur de pensée est une farce, une forme, une illusion. Donc, on ne peut pas prier pour qu'un ajusteur de pensée vienne. Donc, on ne peut pas le voir, on ne peut pas voir l'aura de l'ajusteur de pensée. On ne peut pas aller dans le monde astral et voir des ajusteurs de pensée. On ne peut pas regarder quelqu'un et, à travers les couleurs exprimées par son aura, voir s'il a un ajusteur de pensée. Lorsqu'on a un contact avec l'ajusteur de pensée, étant donné que cosmiquement, celui-ci n'existe pas, on n'a pas le feeling du contact. Ça ne nous brasse pas dans la tête. On n'a pas de feeling de contact parce que l'ajusteur de pensée n'existe pas cosmiquement. Alors, n'existant pas, n'ayant pas d'existence personnalisée, n'ayant pas d'existence propre, même du point de vue de l'homme, l'ajusteur de pensée n'existe pas. Alors, qu'est-ce que c'est que cette farce? que cette illusion? Qu'est-ce que l'on essaie de communiquer par la forme ajusteur de pensée? Lorsqu'on parle d'énergie, on ne parle pas d'illusion, quoique le mot soit une forme, transportant une illusion. Lorsque l'on parle d'énergie, on parle évidemment de contexte. On parle d'un endroit. Chaque fois que l'être humain parle d'énergie, il parle d'une spatio-temporalité limitée. Donc, lorsque l'être humain parle d'énergie, il parle automatiquement d'espace et il parle automatiquement de temps. Parce que si l'énergie n'est pas de l'espace, elle n'existe pas dans le monde spatial. Et si l'énergie n'est pas tributaire du temps, elle ne peut exister non plus parce qu'elle n'aura pas le temps d'exister. Lorsque l'être humain parle d'énergie, lorsque l'être humain parle de l'énergie de l'ajusteur de pensée, de l'énergie supramentale, il parle toujours d'un endroit. Il ne parle jamais d'une personne. Et ça, c'est là qu'on a une perturbation mentale, émotive, spirituelle, psychologique, conceptuelle, lorsque l'on dit que l'ajusteur de pensée n'existe pas. Il ne peut pas exister tel qu'il est conçu par l'homme. Parce que conçu par l'homme, il est conçu du point de vue de l'homme, et le point de vue de l'homme ne peut pas englober l'ajusteur de pensée, donc le point de vue de l'homme ne peut faire que conceptualiser une mécanicité qu'il ne peut pas toucher, donc le point de vue de l'homme, de l'ajusteur de pensée, n'est pas du tout en résonance ou en accord avec ce qu'est l'ajusteur de pensée. Du point de vue cosmique, le point de vue cosmique englobe l'ajusteur de pensée. Le point de vue cosmique est au-delà de l'ajusteur de pensée, mais le point de vue cosmique ne peut pas voir une personnalité ajusteur de pensée. Donc, le point de vue de l'homme, le point de vue qu'a l'homme de l'ajusteur de pensée, est un point de vue illusoire, inexistentiel du point de vue cosmique. Donc, tel que l'homme, tel que vous concevez l'ajusteur de pensée, sachez une chose, cet ajusteur de pensée n'existe pas. Lorsque l'être humain vient au monde, il vient au monde avec un corps physique, il vient au monde avec un corps vital, avec un corps astral, avec un corps mental, avec un ajusteur de pensée, donc avec une trace de corps supramental. En réalité, il ne vient pas au monde avec un corps astral, parce que le corps astral n'existe pas. Il ne vient pas au monde avec un corps mental, le corps mental n'existe pas. Il ne vient pas au monde avec un ajusteur de pensée, ça n'existe pas. Il ne vient pas au monde avec un corps supramental, ça n'existe pas. Il ne vient même pas au monde avec un corps vital, ça n'existe pas. Et il ne vient même pas au monde avec un corps physique, ça n'existe pas. Là, évidemment, je regarde l'expérience humaine du point de vue cosmique, du point de vue réel, et non pas du point de vue encarcanisé dans des concepts, disons, matériaux ou matériaux, matériaux spirituels, typiques. Et ce sont les seuls concepts, d'ailleurs, qui, archétypés, peuvent être laissés et légués à l'humain pour pouvoir permettre la constitution d'une espèce de conscience, d'une conscience qui est intuito-cartésienne, une conscience qui est matérialiste, une conscience qui est traditionnelle, une conscience qui essaie de plagier la conscience réelle, mais une conscience qui ne peut être tributaire que du monde des morts, une conscience qui ne regarde que le passé, une conscience traditionnelle, une conscience mémorielle, une conscience... non pas décisionnel, mais qui ne peut vivre que de désirs. Et ces désirs tendent à s'exprimer à l'extérieur et donnent l'illusion de dans la conscience de l'homme que le désir est une décision. On ne prend jamais de décision lorsqu'on a un désir, on ne fait que réagir à ce désir. L'être humain qui est expérimenté, disons expérientialisé sur le plan planétaire, est un être humain qui est réactionnel. Il n'est ni intentionnel, ni actionnel. Lorsque l'être humain... voit, de son point de vue à lui, un point de vue mémoriel, la forme physique, se rappelant que la forme a été, il a toujours l'illusion que la forme est. En réalité, l'être humain, pour avoir un corps physique, doit naître dans un lieu physique. Et étant donné que l'être humain a un attachement réglé par les archétypes cosmiques, donc par le mensonge cosmique, par l'illusion du point de vue cosmique, de la réalité du point de vue de l'homme, automatiquement, l'humain, donc l'homme, expérientiel ne veut pas dire expérimental. Alors l'homme expérientiel a donc l'illusion de son corps physique, l'illusion de son corps vital, l'illusion de son corps astral, de son corps mental, de son ajusteur de pensée, de son corps supramental. L'être humain doit naître, pour avoir l'illusion du corps physique, l'être humain doit naître dans un lieu physique. Pour avoir la vie, l'être humain doit naître juxtaposé dans un lieu vital. Donc, l'être humain doit déjà être bilocalisé, c'est-à-dire que l'être humain doit naître dans deux plans en même temps. Deux mondes parallèles, deux endroits, deux lieux. Faites attention au charriage astral, n'est-ce pas? Donc, l'être humain doit naître dans deux lieux. Le premier lieu, un lieu physique. Le deuxième lieu, un lieu vital. Pour que l'être humain ait ce qu'il appelle un corps astral, illusoire, mais du point de vue de l'homme, c'est une réalité, du point de vue cosmique, une illusion, mais une essentialité, l'homme doit naître aussi dans un lieu astral. Alors, l'homme n'a pas de corps astral. L'homme plane vibratoirement dans un lieu astral. L'homme n'a pas de corps vital. L'homme plane vibratoirement dans un lieu vital. L'homme n'a pas de corps physique. L'homme plane dans sa conscience vibratoirement dans un lieu physique. S'identifiant aux molécules physiques de l'endroit, donc du lieu dans lequel il plane, il agglomère une forme mémorielle qui n'est pas réelle et qui détermine l'état d'être-té de l'homme dans le contexte planétaire, donc dans le contexte expérientiel, mais non pas existentiel réel, de la planète Terre. Pour avoir un corps mental dans le monde de l'homme, l'être humain doit naître dans un lieu mental. Et pour avoir un corps supramental, l'être humain doit naître dans un lieu supramental. C'est pourquoi on dit que vous devez vous bâtir un double éthérique qui doit être placé dans un lieu, le lieu supramental, et automatiquement, vous aurez une conscience supramentale. Lorsque je bois de l'eau, je ramasse de l'hydrogène et de l'oxygène, et je ramasse de l'énergie vitale, ce qui crée la molécularisation de l'atome. Je bois. L'eau dans ce verre, ce n'est pas de mon corps. L'eau là-dedans, ici, ce n'est pas moi. Mais lorsque je l'ai bu, cette eau va être incorporée au maximum, au grand pourcentage d'eau que constitue mon corps. Et cette eau qui n'est pas moi devient moi. Alors quand, dans ma tête, dans ma conscience limitée d'homme, puis-je discerner si cette eau, elle est moi ou pas moi? Lorsque je regarde des morceaux de poulet, je dis ce n'est pas moi. Lorsque je regarde mon corps, je dis c'est moi. Lorsque je regarde une pomme, je dis ce n'est pas moi. Lorsque je regarde mon corps, je dis c'est moi. C'est l'illusion de l'homme. Parce que les constituants du corps sont les constituants de l'eau, de la pomme, du poulet, de l'air. Continuellement, chaque molécule de votre corps physique est en déplacement et elle n'a pas le choix. Tout ce qui est spatio-temporalisé, tout ce qui a été créactivé à un moment donné, est régi par le temps et l'espace, donc est en perpétuel déplacement. Cela veut dire qu'il n'y a pas de mémoire. Cela veut dire que la mémoire est inexistentielle, la mémoire est expérientielle et illusoire. Cela veut dire que lorsque je vois mon corps, c'est qu'il y a une mémoire qui force les molécules de ce corps qui s'en vont à être remplacées par d'autres molécules qui viennent de l'extérieur, mais ces molécules sont soumises à la mémoire corporelle vitale, donc à une mémoire qui n'est qu'expérientielle, une mémoire qui ne peut être que s'il y a vie, donc une mémoire qui ne peut exister dans le passé que si elle existe dans le présent. Et j'oblige donc les minéraux de fer de la pomme à venir remplacer les minéraux de fer de mon hémoglobine qui vont être rejetés par la transpiration ou par toute autre forme de rejet de matériaux inutilisés, inutilisables ou usés du corps physique. Mais continuellement, vous conservez l'idée mémorielle illusoire que votre corps reste le même, tandis que perpétuellement, minéralement, protéinement, énergétiquement, de toutes les formes d'alimentation possibles, votre corps est en perpétuelle transformation. Jamais vous n'avez été ce que vous êtes au niveau du corps. Vous n'en conservez que la conscience parce que vous mémorisez des phénomènes passés et vous les cristallisez dans le présent. Mais il n'y a pas de corps physique. La vie, c'est la même chose. La vie, elle vous transperce. La vie, vous baignez dedans. Et vous avez toujours l'impression de perdre. Oui, mais je ne veux pas perdre ma vie. Vous n'avez jamais eu de vie propre. Et c'est pourquoi la vie va être... On va vous l'ôter. Et quand je parle, on va vous l'ôter, je parle qu'on va l'ôter à votre conscience illusoire, expérientielle d'homme, terrestre. D'être terrestrifié. Alors, le corps physique est en perpétuel mouvement et en perpétuelle transformation. Mais ne reste que la forme et pas le constituant. Lui, il évolue. Il passe. Au niveau de l'ajusteur de pensée, c'est le même phénomène. Au niveau du plan mental, du plan astral, c'est le même phénomène. L'être humain a un âme qui se recycle régulièrement, instantanément, toujours. Alors, pour avoir une âme, vous devez naître dans un lieu amique, dans un lieu astral. Alors, vous n'avez pas un âme. Vous cheminez dans un lieu. Vous cheminez dans le ciel. Autant que vous cheminez dans le plan terrestre. Prenez votre corps physique et éliminez toute la matière physique autour, sauf le corps physique. Éliminez l'air. Éliminez l'eau. Éliminez la nourriture. Éliminez tout. Instantanément, vous allez être dissous. Vous ne pouvez pas avoir de conscience de votre corps physique si vous n'êtes pas dans un lieu physique. Alors, lorsque l'être humain a un ajusteur de pensée, cela veut dire que sa conscience vibratoire commence à vibrer, à planer dans un lieu. Et s'identifiant à ce qu'il perçoit de ce lieu, il appelle cette perception limitée du lieu « corps du lieu ». La petite perception limitée que vous avez du plan astral, vous l'appelez corps astral. La petite parcelle de perception limitée que vous avez du plan de l'astral, vous pouvez aussi l'appeler l'âme. Lorsque l'être humain parle de son corps mental, l'être humain a une perception d'un lieu. Et la perception limitée de ce lieu, il l'appelle corps. Et il dit, c'est à moi. Ce que je perçois m'appartient. Alors qu'en réalité, ce qui est perçu par l'homme change. Il n'appartient jamais à la cristallisation conceptualisée de la conscience terrestrifiée de l'homme. Alors automatiquement, tout continue, tout bouge. Lorsqu'on a un ajusteur de pensée, est-ce que c'est le même ajusteur de pensée qui reste toujours à nous? Non. L'énergie du lieu, appelée ajusteur de pensée, qui est une amalgamation énergétique des plans mentaux et des plans supramentaux, à l'échelle de notre Terre, à l'échelle de notre monde des morts. Dans le ciel peut naître l'ajusteur de pensée. Au-delà du ciel, il n'y a pas d'ajusteur de pensée. L'intelligence n'a pas besoin d'être ajustée. C'est l'absurdité qui a besoin d'être ajustée. C'est l'ignorance qui a besoin d'être ajustée. Et pas l'intelligence, pas le savoir. Alors, automatiquement, lorsque l'être humain entre en contact avec un ajusteur de pensée, c'est qu'en réalité, il a appris à cheminer vers un lieu ajusteur de pensée, un lieu qui est l'amalgamation, un lieu de stagnation entre le contact supramental et le contact mental, un lieu privilégiant l'ajustement des plans bas par les plans hauts, un lieu essentiel et nécessaire à l'homme parce qu'utile. Mais on n'a pas un ajusteur de pensée qui nous appartient à nous autres et que personne ne peut toucher. L'énergie constituant la mémorisation expérientielle de l'ajusteur de pensée est en perpétuelle mutation, en perpétuel changement. Alors, vous allez dire, mon ajusteur prend de l'expérience. Votre conscience dans ce lieu grandit. Votre ajusteur de pensée ne prend pas d'expérience. C'est votre conscience dans ce lieu qui grandit. Plus vous allez englober de ce lieu, plus vous aurez l'impression illusoire que votre ajusteur prend de l'expérience. Alors, vous aurez donc un ajusteur de pensée expérimenté. Oui, mais on parle dans ces sens pour instruire l'ego, pour instruire l'homme. Ça n'a rien à voir au niveau des plans cosmiques. Mais c'est utile qu'on parle de cette façon, parce que sinon, vous ne pourriez pas comprendre. Présentement, je parle de choses que vous ne pouvez pas comprendre, parce que j'en parle d'une façon cosmique, d'un point de vue cosmique. Et ce point de vue, vous ne l'avez pas encore. Vous l'aurez un jour. Et là, le vocabulaire ajusteur de pensée, le vocabulaire des corps, le vocabulaire des personnalisations, identification, croissance, etc., etc., n'aura plus de valeur pour vous. Il aura toujours un sens, mais il n'aura plus de valeur. C'est-à-dire qu'il aura un sens qui deviendra de l'archétype sans énergie. Ça n'aura plus de valeur parce que ça n'aura plus d'énergie. Pourquoi une chose a de la valeur? Parce que l'homme, lorsqu'il prend la chose, il peut aussi gober la valeur, l'énergie de la chose. Ça n'a plus de valeur quand ça ne rapporte plus. Énergétiquement. Donc, l'ajusteur de pensée est une mécanicité qui est tout à fait du point de vue de l'homme, du point de vue de la réalité de l'homme, une chose existentielle, une chose qui est là. Mais du point de vue cosmique, ça n'existe pas. C'est un lieu. Lorsque vous allez dans le paradis, vous allez dans un lieu. On appelle ça la paradisation. Alors, il y a le paradis physique, le corps. Et parce que le paradis physique est altéré par le paradis astral, le monde est mort, alors le paradis physique souffre. Mais c'est le paradis. Lorsque l'être humain entre en contact avec l'ajusteur de pensée, il vient de paradisier son plan mental. Il entre dans la Jérusalem céleste. Lorsque l'être humain arrive à paradisier le plan supramental, donc lorsque l'être humain arrive à se centraliser dans sa conscience au niveau du plan supramental, donc au-delà des mécanismes expérientiels planétaires, donc lorsque l'être humain a un contact supramental, il n'a plus d'ajusteur de pensée. Lorsque l'être humain a un contact relativement accompli avec le plan supramental, donc avec ce que l'être humain au niveau terrestre va appeler son esprit, mais ce qui au niveau cosmique est le lieu supramental, le lieu espritique, c'est-à-dire qu'on a tous le même esprit, sauf qu'on n'a pas le même esprit, parce qu'on n'a pas la même conscience du même lieu. On a le même lieu, mais on a des consciences différentes de la même place. Alors, automatiquement, on dit qu'on a des esprits différents. Parce que ce que je vois, moi, de l'île, je vois des plantes vertes. Et toi qui me parles avec un walkie-talkie de l'autre côté de l'île, tu vois de la roche. On a la même île. Mais tous les deux, on va dire, moi, j'ai mon île, et toi, tu as ton île. Et si on ne sait pas qu'on est géographiquement sur le même bout de terre, alors je vais dire, je viens de découvrir une île. Toi, tu me réponds, moi aussi, je viens de découvrir une île. J'ai découvert une île de plantes, une île de forêt tropicale, une île géniale. Et toi, tu me réponds, dans tes chanceux, moi, l'île que j'ai découvert est une île qui est aride, qui a des roches, qui a des iguanes qui se promènent dessus. Alors, tous les deux, on va dire, ben merde, on n'a pas le même île. Il faudrait que tu viennes voir mon île. Alors, la personne, elle quitte. Elle prend son bateau, elle quitte l'île, elle le veut qu'à faire le tour sur la même île. Elle quitte l'île parce qu'elle a son île. Elle aurait de part, elle chemine partout sur le Pacifique et après quelques décennies, elle tombe sur l'île du gars. L'île avec les plantes tropicales. Ah, mais c'est génial! Là, j'ai trouvé ton île. On est dans le même esprit. Là, on est frères et sœurs, en esprit. Je prends un contexte matériel. Sache une chose, c'est que tout parallèle entre deux plans n'est jamais parfait. Alors, lorsqu'on rentre dans l'esprit, on voit l'esprit. Celui qui rentre en contact avec Dieu dans le ciel, ah, son Dieu à lui! Pourquoi? Parce qu'il a conscience d'une partie du plan astral, le ciel, une partie du monde des morts. Ayant une petite conscience de ce monde, automatiquement, il appelle cela, parce qu'il, évidemment, il personnalise tout ce qu'il a en conscience, alors il appelle cela Dieu. Alors chacun a son Dieu, parce que chacun a sa vision du ciel. Et lorsqu'on est dans la même région du ciel, on a le même Dieu. Exactement le même Dieu. On n'a pas le choix. On est dans la même conscience, Dieu. Donc, l'ajusteur de pensée, c'est le même phénomène. Du point de vue de l'homme, ça a une efficacité rudimentaire, une efficacité certaine, qui permet à l'être humain de pouvoir avoir une pensée ajustée, donc automatiquement une parole ajustée. Mais est-ce que l'être humain, à un moment donné, sent que son ajusteur est là? Non. S'il le sent, il a accès à une forme astralisée, donc à une forme métampsychosée, à une forme tout à fait archaïque, involutive, presque animale, d'un mécanisme, d'une mécanicité qui un jour a été divine, ou qui un jour a été supramentalisée, ou qui un jour a été énergisée, ou qui un jour a été intelligent. Alors, lorsque l'être humain entre en contact avec l'ajusteur de pensée, il ne le sait pas. Il ne peut pas le savoir. Il sait qu'il est ajusté, mais il ne dit pas « je suis en contact avec mon ajusteur de pensée ». Parce que s'il le dit, c'est qu'il le snobilise. Il en est fier. Ça n'a pas de sens. Lorsque deux choses doivent arriver, ces deux choses sont impeccablement faites l'une pour l'autre. Ces deux choses sont réellement ajustées. Alors, attendez-vous pas à ce qu'un ajusteur de pensée entre en contact avec vous d'une façon désajustée. C'est un ajusteur. Alors, il a comme fonction, c'est-à-dire qu'il a comme expression l'ajustement. Pas comme fonction, comme expression l'ajustement. Il n'est pas intentionnel, il est réactionnel. Alors, lorsqu'il entre en contact avec vous, vous ne pouvez pas le savoir parce que le contact est ajusté. Ça vous fait pas mal, ça vous fait pas ceci, ça vous fait pas cela. Le contact, il est ajusté. Si le contact est ajusté, c'est exactement comme si je mettais de l'eau dans l'eau, mais d'une façon tellement ajustée que rien sur l'eau ne transcrit ce contact. Alors, l'eau ne saura jamais que de l'eau est qu'elle est remplie d'eau. Si je rentre ça violemment, je naffe dedans, l'eau le sait, il y a des remous. C'est pas ajusté. Vous êtes couché dans votre lit et à un moment donné, votre compagnon, votre compagne, votre enfant, votre chien, votre chat décide de pénétrer dans votre lit pour coucher avec vous. Il rentre très doucement, il se place, il s'enfile dans les couvertes et il s'endort. Jamais vous ne le saurez. Vous allez le savoir le lendemain au réveil. Son entrée était ajustée. Si son entrée n'est pas ajustée, il va vous réveiller. Ou encore, il va vous envoyer dans un autre plan de l'astral. Il va faire changer vos rêves. Son entrée n'était pas ajustée. Vous l'avez su. Alors, lorsqu'une personne a un contact avec un ajusteur de pensée, elle ne le sait pas. Il faut qu'on lui dise pour instruire son ego. Au niveau PMC, les personnes ont un contact avec leur ajusteur de pensée, mais il faut leur dire. Et lorsqu'on leur dit, toi, t'es ajusté. Ah, ben, je vois pas pourquoi. Et non, ça n'existait pas, l'ajusteur de pensée, tu ne l'auras pas vu. Du point de vue de l'homme, ça n'existe pas. Mais du point de vue de l'expression chez les individus, alors là, je lui pose une question, t'es ajusté. La personne va me dire, ah, c'est suspect, c'est bizarre, j'ai pas remarqué. Alors, je vais lui poser une question, elle va me répondre. Puis je vais lui dire, qu'est-ce que tu penses de ta réponse? Ah, effectivement, je suis ajusté. Mais elle ne sait pas autrement que par l'expression. Parce que l'ego ne peut pas dire, « Ah, maintenant je suis ajusté. » L'ajusteur de pensée ne se connecte qu'au plan mental. C'est-à-dire que votre conscience, elle est physique, vitale, astrale, mentale. Lorsque votre conscience grandit quelque peu, et la conscience, encore là, c'est une forme qui exprime mauditement mal ce qui se passe en réalité. Lorsque votre conscience grandit un peu plus, elle pénètre dans un autre monde parallèle, dans un autre lieu. Étant dans un autre lieu, elle perçoit des choses nouvelles. Et la perception nouvelle de ces choses nouvelles, dans ce lieu nouveau, est ce qu'elle va appeler, elle, le corps, l'ajusteur, l'ajusteur de pensée. Mais l'ego ne peut pas connaître, l'ego ne peut expérimenter que le résultat dans le plan planétaire. Alors si la personne ne parle pas ajusté, si la personne ne se fait pas dire qu'elle est ajustée, l'ego ne saura pas qu'elle est ajustée. Et étant donné que c'est l'ego qui fait la recherche de l'ajusteur de pensée, lorsque le mental parle ajusté, l'ego ne sait pas. L'ego ne s'en rend pas compte. Pourquoi faut le dire? Il faut le dire à l'ego. Il faut dire, hey, pauvre cave, ton mental est ajusté. Parce que l'ego s'attend, lui, à pouvoir faire immensément de choses. Il pense que l'ajusteur de pensée, c'est Dieu le Père, que ça va le sauver, qu'une fois qu'on a un ajusteur de pensée, tout est fait. Non, une fois qu'on a un ajusteur de pensée, on a une pensée ajustée. C'est tout. C'est juste tout. Une fois qu'on a le contact avec le plan supramental, on a le savoir instantané. C'est tout. C'est juste tout. Du point de vue de l'ego, c'est énorme. Et on n'a pas le contact supramental sans avoir un ajusteur de pensée. Mais c'est juste tout. Du point de vue cosmique, du point de vue de l'homme, c'est extraordinaire. Et quand l'homme, il l'a, vu que l'homme recherche l'extraordinaire, automatiquement, il ne peut pas voir l'ajusteur de pensée. C'est pas assez extraordinaire pour lui. Alors donc, l'ajusteur de pensée, est-ce que ça existe? Non. Est-ce que ça existe? Oui. C'est un lieu. Un lieu où vous allez apprendre à cheminer. Comme vous allez apprendre à cheminer au niveau des plans astraux. Pour cheminer dans les lieux spirituels du monde astral. Pour cheminer dans des lieux spirituels ou dans des lieux libres du monde astral. Vous allez apprendre à cheminer. Quand on dit que vous êtes manipulé, c'est qu'en réalité, on vous empêche de cheminer. Lorsque vous êtes manipulé dans le plan astral, c'est que vous n'êtes pas le maître contrôleur de ce plan. Donc, vous n'avez pas accès à votre déplacement, c'est-à-dire qu'on vous déplace. Et c'est pourquoi on dit qu'on vous charrie. Et lorsque vous arrivez à avoir un contrôle de ce déplacement dans les mondes parallèles, alors, automatiquement, si dans un plan de l'astral, vous vivez des mécanismes psychologiques qui sont débiles, absurdes, inintelligents, stupides, alors vous allez simplement vous déplacer dans un autre monde, dans un autre plan de l'astral. Tant que vous allez avoir une âme, lorsque vous allez prendre le contrôle de celle-ci, vous allez être capable de la faire cheminer dans des régions où les conneries ne peuvent pas vous atteindre. Alors, en réalité, vous ne dites pas à Satan, va-t'en! Vous dites à Satan, reste, je pars. Et ordonnant cela, Satan ne peut pas vous empêcher de partir. Tandis que normalement, les forces astrales vont vous empêcher de partir. Alors on va mettre devant vous des choses. On va mettre encore des phénomènes pour pouvoir continuer à nourrir l'énergie qui vous permet de rester dans ce plan. Dans ce plan planique du monde des morts. Ce sont des lieux. La perception que vous avez du lieu est l'identification qui fait que vous allez avoir le concept mémoriel de votre être-té existentielle à l'échelle de notre planète. Lorsqu'une personne voit le Québec, elle dit « Je suis Québécois ». Canadien, tu sais, je sais pas, il faudrait que je visite le Canada pour commencer. Si on lui montre dans des livres de géographie le Canada, si on lui montre ça à la télévision, alors lentement sa conscience englobe le Canada, alors là maintenant, il peut être Canadien. Rencontrer un Esquimau, demandez-lui c'est quoi, qu'est-ce qu'il est? Un vrai Esquimau. Un mangeur de viande crue, pas un Inuit, un Esquimau. Et il va répondre, je suis un Esquimau, je suis un homme. Sa conscience n'est pas géographique parce qu'il n'englobe rien dans sa conscience. Il englobe du blanc, de la neige, de la glace. Lorsque l'Esquimau englobe d'autres choses, lorsqu'on arrive avec nos skidous, lorsqu'on arrive là avec notre technologie, lorsqu'on le force à englober d'autres choses, lorsqu'on lui dit qu'il est sur une terre, lorsqu'on lui dit qu'il est dans une région qui s'appelle Québec, lorsqu'on lui montre toutes les parties de son beau pays, alors là, il devient Inuit. Alors là, il devient Québécois. Alors là, il veut préserver la faune. Alors là, il embarque dans une conscience nouvelle, qui est de l'évolution pour lui. Même si... Il dit, je suis ceci, je suis cela. Lorsque vous pénétrez dans le monde mental, vous allez finir, on parle pour l'ego du corps mental. Ton mental est personnalisé. Tu as un mental ajusté. Mais cosmiquement, c'est faux. Cosmiquement, l'être humain, lorsqu'il pénètre dans le plan mental, dans le lieu mental, lorsqu'il a un mental ajusté, c'est-à-dire que lorsque ce qui lui permet, lorsque sa conscience est ajustée, automatiquement la vision du monde mental qu'il aura sera une vision qui ne sera plus intégrée ou colorée par l'astral, par l'ego. Il y a une chose que vous êtes énergie. Et l'énergie identifiée dans un corps physique s'appelle corps physique. Du point de vue de l'homme, vous avez un corps physique. Pas du point de vue cosmique. Vous êtes une conscience évolutive animant de la matière. Vous êtes autant dedans que vous êtes dehors de votre corps physique. Mais pour l'utilité et l'intelligence du rôle de l'homme, du rôle cosmique de l'homme, on a archétypé le monde des morts. On a placé des formes au début de la création de l'homme. Alors, archétype, archéos, vieux, type forme. On a donc archétypé le monde des morts lorsque l'être humain a été terrestrifié pour que celui-ci puisse non plus se connecter à la réalité. Parce que se connectant à la réalité, automatiquement, il serait redevenu ce qu'il était et le rôle cosmique de l'homme n'aurait pu être accompli. Alors, se connectant aux archétypes du ciel, le ciel a été créé en même temps que l'homme. Et l'enfer a été créé en même temps que l'homme. Dieu créa le ciel et la terre. Et ensuite, Dieu créa le paquet de dieux imbéciles pour pouvoir permettre à l'homme d'adorer ces dieux-là, étant donné que l'homme ne pouvait plus adorer la création réelle, pour la simple raison que l'homme n'avait pas à l'adorer. Alors Dieu créa le ciel et la terre, et il créa l'homme. Et l'homme créa Dieu à son image et à sa ressemblance, et le plaça dans ce ciel, et mit entre les mains de ce Dieu toute la responsabilité qui incombait à l'homme. Et depuis ce temps, l'homme prie Dieu pour que Dieu fasse ce que l'homme doit faire. Et tous les archétypes laissés par le passage de l'homme, savez-vous ce que c'est qu'un archétype? Un archétype, c'est une trace intelligente laissée par le passage de l'intelligence lorsque l'intelligence a été désintelligencée. Alors un jour, l'homme crée la Terre. Dans le contexte évolutif du plan planétaire, la nébuleuse terrestre, elle était déjà là. Elle fait partie de l'explosion expansive, évolutive de notre création, du super-univers, ou des univers. Lorsque la Terre a été régencée par l'intelligence, de façon à pouvoir un jour supporter une être-té expérientielle, l'homme, on peut dire qu'elle a été créée. Elle a été orchestrée. Alors le ciel a été placé par des intelligences. Et lorsque les intelligences se sont terrestrifiées d'elles-mêmes, elles ont traversé le ciel pour aller se planter dans ce que nous connaissons aujourd'hui comme étant l'homme. Et lorsqu'elle est passée dedans, elle a été filtrée par le ciel. Et tout ce qui a été filtré par le ciel, toute l'intelligence de l'homme est restée à l'extérieur du ciel. Il n'est resté que la cochonnerie, l'homme. Et la trace dans le ciel de toute l'intelligence qui a été repoussée à l'extérieur, c'est ça l'archétype cosmique. C'est ça l'illusion du mensonge cosmique. Et c'est là-dessus que nous, on se plug pour savoir ce qui se passe de notre bord. Cette intelligence est essentielle parce que si l'humain perdant le contexte intelligent qui l'animait lorsqu'il a été terrestrifié, n'avait rien eu sur lequel s'appuyer, il aurait continué son évolution et l'être humain aurait été de la matière aussi solide que de la roche. L'ajusteur de pensée est une forme. Une forme qui a été laissée par un être humain qui a traversé. Lorsque le Nazaréen est venu s'écraser sur le plan planétaire pour pouvoir vivre l'évolution expérientielle de l'homme, l'évolution du ciel était à un point tel à cette époque que la trace de l'ajusteur de pensée a été laissée, ce qui automatiquement a archétypé l'homme de l'époque qu'il pouvait être sauvé. Les portes du ciel étaient maintenant ouvertes. C'était ouvert. Le Nazaréen a ouvert les portes du ciel. Pas pour que l'homme puisse y entrer. L'homme y était déjà. Pour que l'homme puisse s'en échapper. À partir du passage du Nazaréen, l'homme peut maintenant s'échapper du ciel. L'homme peut maintenant quitter le ciel parce qu'il y a un archétype nouveau qui est venu s'implanter. L'Esprit Saint. L'Esprit Saint, je dis souvent en conférence que c'est l'énergie supramentale. C'est une farce. L'Esprit Saint, c'est l'ajusteur de pensée. Maintenant, je m'ajuste évidemment au public en conférence. Les êtres humains, à partir de cette époque, naissaient tous avec un ajusteur de pensée, c'est-à-dire avec la forme archétypale de l'ajusteur de pensée, comme l'humain naissait antérieurement avec la forme archétypale de l'âme, avec la forme archétypale de l'esprit, avec les archétypes qui permettent à l'humain de pouvoir centrer leur énergie à un moment donné sur une forme particulière, l'archétype, de façon à pouvoir orchestrer la structure constructive de leur évolution dans un sens plutôt que dans un autre. Alors là, l'humain évolue donc. L'humain engendre et agendre la construction structurelle de son évolution à partir des archétypes, ce qui automatiquement fait en sorte que l'humain n'est pas divisé totalement dans toutes les formes énergétiques de son évolution. Le soleil qui oblige la plante à sortir du sol et non pas à pousser dans le sol. Vous savez, on prend une graine, on l'enterre, la graine. Comment ça se fait qu'elle sait qu'elle ne doit pas pousser par là, mais qu'elle doit virer de bord, pousser par en haut? C'est le soleil. Les archétypes sont la même forme pour l'humain. L'être humain est là, évoluerait sur tous les azimuts. Non, il évolue sur un azimut. L'archétype. Alors, lorsque l'ajusteur de pensée a été placé, lorsque l'humain arrivait au plan spirituel, alors rendu là, l'humain s'effrichait comme une fontaine. En plaçant l'ajusteur de pensée comme archétype, rendu au plan spirituel à évoluer, l'humain voyait l'archétype, alors toute l'énergie de son évolution, il la centrait vers l'ajusteur de pensée. Et maintenant, l'ajusteur de pensée, on l'a, on le touche. Alors, on parle du double éthérique, on parle des plans supramentaux. On archétype. Mais en réalité, maintenant, ce sont des nouveaux types, des néotypes. L'archétype se termine à l'ajusteur de pensée. Et le néotype, la nouvelle forme. Le nouveau chemin de l'homme qui va cristalliser l'évolution de l'homme pour les 13 800 ans qui viennent. Ce sont les néotypes que nous créons déjà sur le plan planétaire. Et ils ne seront pas transformés avant ces 13 800 ans. Ils ne sont pas tous là, mais dans les décennies qui viennent, ils vont tous être implantés. Et l'être humain va vivre d'une religion mentale traditionnelle, archétypée, sur les néotypes qui vont vous former, vous. Les néotypes sont néo-nouveau, type-forme, nouvelle forme. On vit un penchant, on vit une mutation de l'humanité. On vit la fin d'une ère et la naissance d'une autre ère, l'âge d'or, qui dure 13 801. Dans cet âge d'or, il y aura différentes races, mères et un paquet de sous-races. Les néotypes qui vont être archétypés pour ces races resteront les mêmes pour des milliers d'années. À travers ces néotypes, comme le néotype commence à l'ajusteur de pensée, là où se termine l'archétype. L'archétype se termine sur l'Esprit Saint. Le néotype s'assoit sur l'Esprit Saint, transforme le mot néotype, donc transforme le mot, ajusteur de pensée et lance une nouvelle lignée cosmogonique évolutive. Tous les archétypes du passé vont à la longue à être instruits, démolis, on pourrait dire, pour être remplacés par les néotypes. Dieu aura un nouveau visage. Les anges auront de nouvelles fonctions. Les Melchisédek auront de nouvelles personnalités. Tout va être changé. Et c'est normal. Parce que vous ne pouvez plus évoluer à partir d'archétypes qui ne pouvaient vous amener que là où vous êtes. Néotypant le monde des morts, automatiquement, on appelle cela de l'instruction astrale. Et les instructeurs astro, il n'y en a pas beaucoup sur la planète pour l'instant, mais il y en aura une bonne gamme d'ici peu, d'ici quelques 10 ou 15 ans. Ceux qui auront comme fonction l'instruction des plans astraux, c'est-à-dire l'instauration des néotypes, la permutation de l'archétype en néotype, donc la destruction du monde des morts tel qu'on le connaît, la destruction du ciel tel qu'on le connaît, pour instaurer une nouvelle hiérarchie, une hiérarchie qui servira qu'à l'évolution de l'homme évolué. Parce que la hiérarchie, cosmiquement, est une farce, même si planétairement, elle est une chose réelle. Alors, on va donc instaurer une nouvelle hiérarchie évolutive permettant l'expression d'une nouvelle cosmogonie, permettant à l'homme nouveau de pouvoir collectivement s'ancrer sur des formes dans une religion mentale, une religion qui sera su par l'homme nouveau comme étant un archétype, donc un concept probatoire à son évolution, et un concept que lui-même pourra éliminer lorsque cela sera nécessaire. Parce que la différence majeure entre la religion mentale et la religion astrale, c'est que la religion astrale tient à vous récupérer, tandis que la religion mentale tient à vous libérer. On va revenir de toute façon à un moment donné, et pas aujourd'hui, sur ce mécanisme même de la religion mentale, la religion de l'avenir. Ce ne sera pas une religion dans le sens relié à des dieux, ce sera une religion dans le sens relié à son esprit. Et elle sera d'ordre mental, sans culte, sans tradition. Et personnalisée à chaque individu. Ensuite, à cet exposé, au niveau du premier niveau de néotype, qui serait le plan mental, quelle en serait la nature? Donc, la substance mentale, c'est l'endroit où va être placé, où va être construit, structuré l'adaptation néotypale, donc des nouveaux types, pour pouvoir être instruit au niveau des plans archétypaux, les plans astraux. La nature du mental. Bon, premièrement, l'ajusteur de pensée est une forme mentalo-supramentale, c'est-à-dire que c'est le lieu entre les deux. L'ajusteur psychologique, l'intellect, est un lieu qui permet le contact entre le plan mental et le plan de la psychologie, donc le plan astral. Personne n'est intellectuelle lorsqu'elle ne fait que se véhiculer dans le plan de l'intellect, dans ce lieu. Alors elle va être intellectuelle, et plus sa conscience va vouloir englober le lieu de l'intellect, le lieu extrêmement limité du contact entre le monde astral et le monde mental, plus sera intellectuelle. Elle ne voudra pas englober d'autres choses, donc elle restera intellectuelle. La substance mentale, on en a déjà parlé. On peut y revenir un peu. L'énergie mentale n'est pas une énergie intellectualisée, donc elle n'intellectualise pas, elle mentalise. La mentalisation, ce n'est que l'absorption inconditionnelle d'énergie mentale, comme présentement ce que je fais en conférence spéciale. Eh bien, la majorité de ce que je dis, ne peut pas être compris intégralement par vous. Par contre, énergétiquement, il est totalement absorbé par votre plan mental, ce qui fait que ce que je dis n'a pas d'importance au niveau de la parole, mais a beaucoup plus d'importance au niveau de l'impact mental que cela fait, parce que cela vous oblige à expandre votre conscience mentale, on pourrait dire dans les termes humains, à nourrir votre mental, donc à l'énergiser. Alors, ça n'a foutrement aucune importance que vous compreniez ou non. Parce que de toute façon, vous comprenez. Mais vous ne le savez pas. Égoïquement, vous ne le savez pas. Intellectuellement, vous ne le savez pas. Pour la simple raison que tant que l'énergie placée au niveau mental n'aura pas été astralisée ou intellectualisée, donc rabaissée, ce que j'aurais dit n'aura pas de sens pour vous. Un peu. Pas plus qu'il faut. Le lieu mental est un endroit qui est créé par le plan astral de la planète. Le lieu mental est un endroit presque vitalisé, presque en relation avec le plan supramental. Le mental tel quel n'est pas une substance particulière de l'évolution des plans de l'homme. Le plan vital est ce qui, d'une façon séraphique, entoure et paramètre l'évolution de la conscience très limitée du plan astral que vous avez, ce que vous appelez votre âme. L'énergie vitale étant séraphiquement l'enveloppe de l'âme, le périsprit, elle permet la création d'une forme énergétique relativement supérieure au plan de l'âme pour pouvoir la contenir. Chaque fois que l'on parle du corps mental d'un être humain, on parle évidemment de son corps séraphique. Lorsque nous parlons du corps mental de la planète Terre, nous parlons de l'enveloppe qui est à l'extérieur, donc en périphérie, très périphérique aussi, mais en périphérie du monde des morts. Et cette enveloppe qui entoure le monde du ciel de notre planète Terre, de l'énergie vitale, mais à un ordre de vibration beaucoup plus supérieur, de beaucoup supérieur à l'énergie vitale qui anime la chair, et de beaucoup supérieur à l'énergie astrale contenue dans le plan vital. On a un plan vital, on a un plan matériel, on a un plan vital, on a un plan astral, on a un plan vital, et c'est ce plan vital qui porte le nom de plan mental. On a un plan ajusteur de pensée, et on a un plan vital, le plan supramental, à des ordres d'expression différentes. La nature même du plan mental est d'ordre vital. Le plan mental est vital. Lorsque, en Lémurie, l'énergie vitale de l'homme, l'énergie sexuelle de l'homme, de l'humain, a été séparé en deux, donc une grande partie a été focalisée au plan de la parole pour développer le centre laryngé, développer la structure possible buccalo-laryngé pour permettre le langage, les cordes vocales et tout le tralala. Et qu'en même temps, les trois quarts de cette division énergétique ont été placés pour créer le cortex associatif, la partie qui énergétiquement pourrait recevoir l'énergie mentale. Alors, automatiquement, on peut considérer que le plan mental n'est que de l'énergie vitale qui orchestre d'une façon programmatique, romique, la neurologie cérébrale, permettant à l'être humain de pouvoir supporter l'énergie vitale au niveau de son cerveau. Donc, pouvoir supporter le plan mental. Plus vous aurez d'énergie vitale focalisée au niveau du centre laryngé et au niveau du centre cérébral, d'ailleurs, la majorité des exercices PMC ne servent qu'à cela. Ça prend le temps que ça prend un an et demi. Ça fonctionne de toute façon, sauf évidemment si vous tripez toujours, que ça va pas assez vite, que vous n'êtes pas capable. Alors évidemment, l'énergie vitale de votre constitution, l'énergie vitale amenée par les techniques PMC, va être absorbée, bue par votre énergie psychologique. Alors évidemment, il n'y aura pas grande transformation au niveau mental. Plus vous êtes impatient, plus ça va prendre de temps. C'est normal. Parce que pour être impatient, il faut supporter l'impatience. Pour supporter l'impatience, il faut se contrôler émotivement. Pour se contrôler émotivement, il faut de l'énergie vitale. Et l'énergie vitale que vous allez employer pour ce support, c'est l'énergie vitale qui aurait servi à la création de votre, ou à l'augmentation, à l'amélioration de votre substance mentale. Moins vous êtes impatient, plus vous vous foutez du temps. Plus vous avez le temps, plus vite ça va. L'énergie mentale est de l'énergie vitale. Donc, on peut donc, par contact avec une personne vitalisée mentalement, devenir plus intelligent, localement, temporairement. C'est pourquoi dans un séminaire intensif, c'est pourquoi dans une conférence du mois, c'est pourquoi dans certaines conférences du vendredi, les personnes comprennent mieux. Les personnes deviennent plus intelligentes. Les personnes sont plus égoïsées. Temporairement. Mais l'expérience, la trace laissée par ce phénomène temporaire, oblige l'ego à poursuivre son évolution descendante. Et à la longue, la substance mentale devient de plus en plus grandiosée. Et, veut, veut pas, l'être humain devient de plus en plus mental. La substance mentale, elle existe donc. Le corps mental n'existe pas. Le lieu mental existe. Le corps mental n'existe pas. Mais au niveau de l'homme, on peut continuer à parler comme cela, dire le corps mental. Parce qu'étant donné qu'on est toujours saltatoire entre l'ego et le plan mental, parlant donc du corps mental, du corps physique, du corps astral, ça marche, c'est correct, c'est parfait. Il ne faut pas partir avec l'idée qu'on doit ne plus employer ces mots et employer des mots qui n'englobent plus rien. Au nom du fait qu'on a entendu dire à un moment donné que le corps n'existait pas, que c'était de l'illusion. C'est de l'illusion au niveau cosmique, c'est-à-dire que ce sont des concepts. Donc, on ne doit pas prier le plan supramental. On ne doit pas prier le plan ajusteur de pensée. On ne peut pas. Ça ne viendra pas. À l'instant même où on a un corps, on a un égrégore. On peut appeler ça un égrégore. Alors, tant que nous continuons à communiquer ensemble du plan de vue de l'homme, ces formes existent. Elles existent. Lorsqu'un homme me demande est-ce que Dieu existe, jamais je n'ose lui répondre non, il n'existe pas Dieu. Mais je ne peux pas lui répondre non, parce que ça existe Dieu, dans son plan lui. Oh, c'est le service. Dieu existe, dans le plan de l'homme. Le supérieur existe. Pas par rapport à lui, par rapport à l'inférieur. Lorsque l'être humain devient ce qu'il est, Dieu n'existe plus. C'est lui. Mais ce n'est pas lui, parce qu'il n'est plus limité dans un lui. Il n'est plus limité dans une forme. Il n'est plus limité. Il est éteint. Qui est Dieu? Parce que pour que Dieu existe, il faut que l'homme soit autre chose. Deux choses existent l'une par rapport à l'autre. Mais si l'univers est une chose, la chose n'existe pas. Elle ne peut pas être conscientisée. Alors, au niveau cosmique, Dieu, ça n'existe pas. Dieu, c'est de l'énergie. Mais l'énergie n'existe pas non plus. C'est là. C'est innommable, impalpable, intouchable. Je dirais bien invisible, mais disons invisible. Mais du domaine de l'homme, ça existe. Alors, il faut bien comprendre que ce n'est pas parce qu'un concept soudainement nous apparaît comme étant un concept, une forme, qu'automatiquement, c'est de la merde. Quand une chose nous apparaît comme étant une forme ou un concept, il faut juste le savoir. Lorsque nous voyons clairement que c'est un concept, nous voyons clairement que c'est un outil. Si l'outil est utile, on s'en sert. Si l'outil ne sert à rien, on le laisse tomber. On ne va pas dire à tout le monde qu'ils n'ont plus besoin de ces outils. Vous savez, le petit rack de bois, un rack de bois extrêmement huileux, qui s'attache avec des bretelles, avec une petite plateforme et qui permet de mettre plein de roches dessus pour pouvoir charrier les roches d'une place à une autre. On ne sert plus de ça aujourd'hui. On fait venir un camion. Avec une pelle mécanique. Ou un bulldozer. Alors, si moi, je sais que l'outil ne sert plus, si je vais au Guatemala dans la jungle, je ne vais pas leur dire, « Hey, c'est ces outils-là, ici, là, condamnés! Détruisez-moi ça! » Parce que s'ils détruisent tous ces outils-là, il faut qu'ils transportent les roches avec les mains. Ils n'auront pas de bulldozer, de tracteur, de route pour les faire marcher, puis de camions. Alors, à un moment donné, si je vais détruire l'outil chez quelqu'un, je le force à évoluer, pas à évoluer. La religion, c'est un outil, c'est un concept. On ne va pas dire à ceux qui n'ont besoin, priez plus, ils vont tous te tirer une balle dans la tête. Alors, c'est pas parce qu'on brise le concept chez quelqu'un qu'on le fait évoluer, on le nuit. Et lorsque l'outil est plus utile pour nous autres, ben l'outil, on le met de côté. On le bannit pas à l'échelle de la planète, ils n'ont besoin. Pas parce qu'ils sont cons, parce que dans les lieux où ils vivent, ils en ont besoin. Dans le lieu astral où vit un individu, il a besoin de ce concept, de cet outil. De même que dans le lieu géographique où vit le Guatémaltèque, ou le Pérouvien, ou le Salvadorien, dans le lieu physique où il vit, il a besoin de cet outil. Est-ce que vous couchez avec des moustiquaires chez vous? Non. Parce que dans le lieu physique où vous vivez, il n'y a pas suffisamment de moustiques. Est-ce que c'est une raison pour aller en Afrique leur dire « Hey, les moustiquaires, les caves, vous n'avez pas besoin de ça. Vous vous encombrez la vie. Vous devez le laver, vous devez l'accrocher, vous devez le traverser, vous devez en sortir. Vous devez les entretenir, vous devez les recoudre. Vous vous encombrez la vie. Clairez les moustiquaires, le bonheur va apparaître. Vous allez pouvoir vous lever la nuit pour aller aux toilettes sans vous en faire jeter dedans. Non, parce que dans le lieu physique où ils vivent, le moustiquaire est essentiel. Dans les lieux astraux où vivent les individus qui adorent Krishna, ils ont besoin de ces outils. Parce que dans les lieux, ce ne sont pas des idées de conscience. La conscience est un lieu. Dans les lieux où ils vivent, ils en ont besoin. Alors on leur laisse. Si un jour ils déménagent chez nous, puis qu'ils veulent amener le cossin, là, on va le dire. Quand une personne vient au centre, elle vient chez nous. Elle vient dans notre lieu de conscience. Un lieu de conscience où on n'a plus besoin, où on peut voir le manipulateur, la manipulation. Un lieu de conscience où on voit les illusions. Un lieu de conscience où on voit les attrapes. C'est-à-dire qu'on voit les attrapes, mais il n'y a pas d'attrapes. On voit simplement que les outils qu'on avait besoin quand on restait dans un autre monde astral, lorsqu'on les amène avec nous dans un nouveau monde astral, que maintenant, elles deviennent des manipulateurs. Que maintenant, elles deviennent des attrapes. Que maintenant, elles deviennent des conneries. Alors, on les laisse. Mais on ne va pas dans le monde d'où ce qu'on était pour aller leur dire. Moi, je déménage sur la côte, sur la Costa Rica. Il fait toujours soleil. Il y a la mer, la plage. Je m'en reviens pas ici voir mes parents, mes amis pour leur dire, « Crime, promenez-vous là en costume de belle année longue. » L'homme peut vivre en costume de bain. L'homme peut vivre sur le bord de la mer tout le temps, crime, faites-les. Ils ne peuvent pas le faire. C'est pas qu'ils veulent pas. Il neige ici. Ils ne peuvent pas le faire. Il faudrait qu'ils déménagent. Ils ne peuvent pas déménager. Ils ont un emploi ici. Ils ont une famille ici. Ils ont deux maisons ici. Ils ont des choses ici. Ils sont pas prêts à être heureux là-bas. Vous autres, oui. Pas eux autres. Lorsqu'on arrive dans un monde astral où les phénomènes, où on a une conscience plus énergisée, ben, il y a des outils qui ne servent plus. Alors, on ne va pas dire à ceux qui ne vivent pas chez nous que chez eux, les outils ne servent pas non plus. Lorsqu'on emploie les mots comme la forme, le corps mental, la forme mentale, ben, c'est bon. Dans le monde actuel de notre communication intélépathique, c'est bon. Lorsqu'on sera télépathe, ah, là, on laissera tomber ces mots-là. Là, on marchera énergétiquement. Mais pensez pas, ouais, mais c'est qu'une forme, ça. Rien compris, t'intellectualises. La forme, elle a de l'intelligence. Voyez-la, l'intelligence de la forme. Bannissez-la pas parce que c'est une forme. Ah ouais, mais ça, c'est un autre concept, je comprends bien. Oui, c'est un concept. On communique avec des mots, c'est un concept certain. Ah, c'est un concept, ça veut dire qu'on ne peut pas croire à ça. On ne peut pas croire à rien. C'est un concept. Tolérez-le. Servez-vous-en, c'est un outil. Quand l'outil ne servira plus, attachez-vous pas après. Lâchez-le. Lâchez-le pas avant de peur que vous pouviez plus, que vous arriviez plus à le lâcher après. est utile. Prenez-le. Quand il sera plus utile, on verra. Fermez les portes à tout ce qui vient. C'est fermer les portes aux outils utiles comme aux outils qui sont nuisibles. Donc, vous devez filtrer. Alors, c'est bien évident qu'au niveau PMC, il y a énormément de concepts qui sont des néotypes. Ce sont des outils nouveaux. Des outils qui permettent à votre conscience de pouvoir rester dans un lieu particulier, des mondes parallèles. Sans le concept ajusteur de pensée, vous ne pouvez pas rester au niveau supramental, vous décrochez tout de suite. Sans le concept énergie supramentale, contact, vous décrochez tout de suite. Sans le concept lâche pas, merde, c'est le temps qui va t'amener ça. Tu décroches tout de suite. Alors, bannissez pas ce concept-là. Conservez-les. Nourrissez-les. Servez-vous-en. Puis quand t'arrives, puis tu peux dire l'astral, même le corps mental, c'est juste l'astral, même le corps physique, c'est juste l'astral. Hey, c'est bien fait en maudit. T'as plus besoin des concepts. T'es plus assujetti aux concepts. T'en as pas peur. Puis tu t'en sers. Tu te sers de la forme. Le plan mental, c'est un concept. Un concept qui essaie de transcrire dans le monde de l'homme une réalité cosmique qui ne peut pas cosmiquement être réalisable dans un monde d'illusions, le monde de l'homme. Alors, si on veut prendre une réalité existentielle et la rentrer dans un monde d'illusions expérientielles, faudra qu'on l'altère, faudra qu'on l'amagane, faudra qu'on la conceptualise, faudra qu'on y mette des mots. En y mettant des mots, automatiquement, on la tue, telle qu'elle est dans sa réalité. Sauf que la trace qu'elle reste, qui va rester, le cadavre, va instruire les hommes que de l'autre côté, ça existe aussi, mais vivant. C'est le néotype ou c'est l'archétype? C'est l'intelligence de la forme. Alors évidemment, on ne bannit pas ces choses, on s'en sert. On parle de l'âme, mais on s'en sert. On parle de réincarnation, mais bout de plug, on meurt même pas, mais on s'en sert. On parle de survie à la mort, tu meurs pas. On pourrait dire extension de la vie. C'est pas une extension, tu meurs pas. On parle plus de la mort d'abord. Alors, on se rapproche. On parle plus de la vie non plus. Mais on parle de quoi? On est fait. On n'est pas télépathe. Énergétiquement, on ne peut pas le communiquer. Alors on revient avec le mot mort, avec le mot vie, avec le mot monde des morts, avec le mot ciel, avec le mot existence, avec le mot réincarnation, etc. Et puis là, maintenant qu'on sait que ce sont des formes, maintenant on recommence à communiquer et là on recommence à avancer. Faut pas s'attacher à la forme. La forme est le temps de définir une chose réelle dans un monde des réalités. On se sert de la forme. Et un jour, on ajuste les mots. C'est quoi ajuster les mots? C'est trouver une forme qui définit boutiquement...